au dehors. Au dehors, il fait froid, l'air est irrespirable, la nature hostile. Comme ce serait pratique de ne jamais avoir à sortir, affronter le monde et ses mille et un dangers. Les intempéries, les prédateurs, la queue à la boulangerie. Comme ce serait bien de n'avoir à donner signe de vie que par micro interposé, le poster posé sur un siège confortable, un chat angora sur les genoux, en riant sardoniquement tout en regardant sur un mur d'écran nos séides agir aux quatre coins du monde en attendant le grand jour où la Terre tout entière sera enfin sous notre contrôle. Il faut pourtant, hélas, parfois quitter le doux foyer. La nourriture commence à manquer, l'absence de produits de toilette se fait sérieusement sentir, il faut partir. Se préparer d'abord, mettre plusieurs couches de tissu sur son corps, emballer ses pieds dans des protections rigides, coiffer sa tignasse, car dehors les règles sont strictes. La police du camp dira-t-on veille. Alors on sort, on prend une dernière bouffée d'air domestique et l'on se lance, en priant la déesse mère de ne rencontrer aucune encombre. On croise des congénères, parfois on leur parle, et puis, petit à petit, on oublie son infortune. C'est ça, être un animal social. Et là, tout d'un coup, l'aventure se rappelle à nous. La belle, la grande, l'indomptée, elle qui, au dehors, nous attendait patiemment. D'ailleurs, pas plus tard que tout de suite, notre montre téléphone sonne. C'est un appel urgent des services secrets britanniques. Il faut partir, loin, affronter un génie du mal dans un château perché dans les Carpates. À peine avons-nous eu le temps de recevoir le message que déjà trois individus, en tenue noire moulante, nous attaquent par derrière. Mais nous sommes plus rapides qu'eux. Deux s'enfuient. Le troisième, nous tentons de le faire parler en lui tordant le poignet. Il ne dira rien, ce soldat zélé de l'homme mystérieux au chat angora qui ne sort jamais de son repère. Mais l'aventure ne fait que commencer !